Répète. La Ada Hisan. Rien. Les frères, il y en a, ils font une erreur. Vous lisez Ada. Ha. Hada. Pas Ada. Ha. Hada. Vous voyez? Wama Hada. Wama Hada, ouais. Hada Jamaloun. Jamaloun. Très bien. Au suivant. Hada. Vas-y. Hada Dikun. Naam, Hada Dikun. Ça veut dire un coq. Au suivant. Ouais. Men hada. Regarde bien. Hada mudarrisun. Man hada. Hada mudarrisun. Mudarrisun. Professeur. Taïb. Au suivant. Hada kamisun. Hada kamisun. Hada kamisun. Hada. Man. La hada mindilu. Mouchoir. Mindil. Mouchoir. Taïb. Tamrin, Iqra, Waktub. Vous lisez un, et maintenant c'est à vous de bien mettre les terminaisons. Bismillah, tafaddal. Très bien. Hada kalbun. Très bien. Man hada? Hada tabibun. Très bien. Hada jamalun. Pas jamal, jamal c'est un prénom. Jamalun. Jamalun. Non. Le suivant. Ahada kalbun, la hada qittun. Très bien. Ahada dikun. Hein? Ahada dikun. La hada na'am. Très bien. Ahada hifanun, la hada himarun. La hada himarun, na'am. Hada mindilun. Ahada. Waladun. Ahada waladun. نعم أهذا ولدون نعم وشبا نعم من هذا هذا رجلون très bien. Tout le monde a compris la fin de cette leçon là, ça va? Vous avez tout, c'est bon, c'est compris tout? Mohamed, les deux Mohamed, c'est bon? Hein? Habib, Bilal. Tout le monde a compris ça? Ça y est, on fait la deuxième leçon. Adar Sethani. Dalika. Taïb. Leçon 2. Tournez la page. On va faire la leçon 2. Taïb. Dalika, c'est quoi? C'est la même chose que Hada. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le même travail, mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que Dalika, ce sera plus loin. C'est compris ça? Tu dis Hada Marwan wa Dalika Muhammadun. Mufhum Hada, c'est compris? Mufrad Mudakkar Walakin Wahad lil Qarib wa Wahad lil Ba'id. Un c'est pour les proches, masculin singulier, et l'autre c'est pourquoi? Masculin singulier mais loin. Plus loin. C'est compris ça? Hada Marwan wa Dalika Muhammadun. C'est compris ça? Je peux dire Hada Marwan, Dalika Aminatou. Allez loin, Amina. C'est non, bon c'est féminin. Ouais. Pas. Pourquoi? Parce que c'est. Non, c'est singulier et c'est loin. Masculin. Qu'est-ce qui manque là? C'est que c'est pas masculin. Non. Allez, Inch'Allah. C'est féminin. Voilà, c'est que c'est fine. Féminin. Tout le monde a compris, Inch'Allah? C'est la même leçon qu'hier. Que ça soit avec. Voilà. Très bien. Ismichallah, pareil, la même chose. C'est compris ça, Inch'Allah? Dalika, comme il dit le frère Mohamed, c'est également un Ismichallah. Mais la différence par rapport à Hada, c'est que ce soit plus lointain. Que tu fasses rentrer Men ou le Ma, c'est la même chose. Men Dalika, Ma Dalika, c'est que tu demanderas une chose qui ne résonne pas. Et Men Dalika, c'est que tu demanderas quoi? Une chose qui résonne. Mais elle sera proche ou elle sera loin? Elle sera loin. C'est compris ça? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Allez, bismillah, il y a juste à lire alors. Si tout le monde a compris ça, c'est que de la lecture. Bismillah, à voix haute, hein? Bon. On s'est arrêté où? Mohamed, tafaddal, à voix haute, hein? Dalika, Dalika Najmoun. Très bien. Par rapport à ce que tu as compris, Mohamed, l'étoile, elle est proche là ou elle est loin? Elle est loin. Elle est loin, très bien. Et est-ce que c'est Aql? Est-ce que c'est une chose qui résonne?